طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au cours numéro 16 aujourd'hui dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, le volume 1 du commentaire de Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Al-Ta'liq Al-Qawim ala kitab Iqtida Is-Sirat Al-Mustaqim, le volume 1, la page 124, et on est au commentaire numéro 60 au sujet du passage, la partie 60. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, il dit: قال سبحانه عن الضالين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. Donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos des égarés, parce qu'on est toujours en train de parler des chrétiens maintenant et des ressemblances aux chrétiens qui existent parmi les musulmans de cette ummah, donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des égarés: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Ce qui signifie, c'est le verset 27 dans Surat Al-Hadid, qui signifie: et le monachisme qu'ils inventaient. Qu'est-ce que c'est le monachisme? Peut-être qu'il y a certains qui ne connaîtront pas peut-être le terme monachisme. Yani ar-rahbaniya, en arabe c'est rahbaniya. Et ar-ruhban, c'est le pluriel de rahib. Et Rahib, c'est les moines, on les appelle les moines. Donc, le monachisme, en fait, c'est les gens qui adorent Dieu en rentrant dans des monastères. Et les monastères, les couvents, c'est des endroits où les chrétiens qui sont yani, extrémistes dans l'adoration rentrent pour vaquer et pour yani, s'adonner uniquement à l'adoration seulement et à des actes d'adoration ou à l'étude ou à la contemplation ou d'autres termes ou d'autres méditations qu'ils utilisent ou des choses qu'ils font dans ces endroits-là. Et il y en a parmi eux qui se coupent complètement du monde, comme ceux qu'on appelle par exemple les sœurs cloîtrées. Déjà, on sait qu'ils ne se marient pas, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Les moines hommes sont dans des monastères et des couvents, et les sœurs religieuses sont dans des couvents aussi. Et il y a ceux qu'on appelle les cloîtrés, c'est-à-dire ils se coupent complètement du monde, ils ne voient même pas des gens. J'ai vu même un endroit, je ne sais pas si c'est en Nouvelle-Papouasie ou bien dans une autre de ces régions-là, dans cette région-là de yani près de l'Australie puis la Nouvelle-Zélande yani et la Nouvelle-Papouasie yani subhanallah, il y a des monastères où les religieuses n'ont aucun contact du tout même avec les gens de, à l'extérieur de ce couvent. Même pour mettre la nourriture, pour leur amener la nourriture, il y a des gens qui viennent, ils mettent la nourriture dans une ouverture, dans le mur, ils tournent l'affaire, puis les sœurs de l'autre côté, elles prennent la nourriture, mais elles ne voient même pas les gens qui viennent leur amener cette nourriture-là. Donc ça veut dire aucun contact avec le monde extérieur, et il y en a parmi eux qui font le vœu de plus parler, hein, c'est-à-dire le vœu de silence, c'est-à-dire ils ont fait le vœu de plus jamais ouvrir la bouche pour parler, de dire quoi que ce soit. Et il y en a d'autres qui, il y en a même parmi eux qui arrivaient même des fois à des extrêmes, yani, subhanallah, à même de se fouetter eux-mêmes, de se flageller, hein, pour résister à des désirs ou à des tentations, tu vois. Ils veulent enlever tout sens, tout plaisir, et ils vont même jusqu'à se flageller, à se frapper avec des fouets eux-mêmes. A'udhu billah. Donc ça, c'est les plus extrémistes qui en est parmi eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont contre la nature humaine. Hein? Donc, Cheikh al-Islam, il mentionne ce verset, le verset 27, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et le monachisme qu'ils inventaient. » Donc ça veut dire c'est eux qui l'ont inventé. Hein? Ça ne vient pas d'Allah. « Nous ne leur avons nullement prescrit. » C'est-à-dire, on ne leur avait pas ordonné de faire ça. De rester dans des monastères, de pas se marier, de s'isoler, hein, de se couper du monde, de juste adorer Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas, même si on dit qu'il nous a créés pour l'adoration, mais ça ne veut pas dire que l'adoration, ça veut dire que tu te coupes de tous les autres aspects de la vie, hein. Imaginez si tout le monde devenait des religieux et que personne se mariait, eh bien, ce serait la fin de l'humanité, hein. Donc, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. On ne leur avait pas prescrit. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Ils devaient seulement rechercher l'agrément d'Allah. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Mais ils ne l'observèrent pas comme ils se devaient. Ils ne l'observèrent pas comme ils se devaient. Donc ça veut dire que ces gens-là sont tombés dans la bid'a et l'extrémisme. Ils ont suivi l'exemple des peuples de mouchriquines qui les ont précédés. Hein, parmi les, par exemple, les moines bouddhistes et les moines hindous et les autres moines des autres peuples de mouchriquines qui se concentraient uniquement jusqu'à l'adoration. Certains parmi eux allaient jusqu'à même se faire complètement couper les parties génitales. C'est-à-dire les hommes devenaient ceux qu'on appelle des énuques. Hein? Des énuques, c'est-à-dire des hommes, on leur a enlevé toutes leurs parties génitales. Ils ont pas de parties génitales, donc ils n'ont aucun désir sexuel. Hein? Donc il y en a par exemple, ils faisaient juste enlever les testicules, hein, pour enlever leur désir. Puis il y en a d'autres, non seulement les testicules, mais aussi même l'organe génital au complet. Donc ça c'est pour montrer à quel point ces gens-là peuvent être tombés dans l'extrémisme et l'exagération. Et alhamdoulilah, l'islam est venu interdire ça. Hein, interdit ce genre d'extrémisme. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit « وَقَدْ ابْتُلِيَ طَوَائِفٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الرَّهْبَانِيَّةِ الْمُبْتَدَعَةِ بِمَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ. » C'est-à-dire, certains d'entre les groupes des musulmans ont été éprouvés par cette forme de monachisme innové. Et ils sont tombés là-dedans. Hein? Et c'est seulement Allah qui sait à quel point certains d'entre eux sont tombés yani profondément dans cet égarement-là. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il donne un petit commentaire là-dessus maintenant. Il dit, « وَقَوْلُهُ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا دُونَ أَنْ يُشَرِّعَهَا اللَّهِ لَهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ أَحْدَثُوهَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ » Donc, quand il dit le monachisme, c'est-à-dire c'est eux qui l'ont inventé, ils l'ont innové, c'est une bid'a. C'est pas Allah qui leur a légiféré de faire ça, c'est eux-mêmes qui l'ont inventé, hein, d'eux-mêmes. En fait, monachisme, c'est le nom. C'est cette institution-là, c'est l'institution, ok? Tandis que le monastère, c'est le lieu, hein, l'endroit. Ensuite, le cheikh, il explique la suite du verset. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit nous ne leur avions pas prescrit, mais on leur avait prescrit uniquement l'agrément, la quête de l'agrément d'Allah, la recherche de l'agrément d'Allah. C'est ça qu'on leur avait demandé de faire, de chercher l'agrément d'Allah. Mais eux sont allés à l'extrême là-dedans. Donc le cheikh il dit, يعني أنهم قصدوا بذلك رضوان الله لم يفعلوها لشيء آخر فهم إنما فعلوها لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى ولكن الله جل جلاله يعني لا يرضى أن يعبد إلا بما شرع. Donc le cheikh il dit, eux ils ont fait ça en cherchant l'agrément d'Allah. Ils croyaient que ça c'était une façon d'obtenir l'agrément d'Allah. Hein? Ils ne l'ont fait pour aucune autre raison que ça. Ils ont fait ça pour plaire à Allah. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il n'est pas satisfait qu'on l'adore par autre que ce qu'il a légiféré. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas une adoration si elle n'est pas légiférer, c'est-à-dire s'il ne l'a pas ordonné ou s'il ne l'a pas enseigné lui-même par ses prophètes et par sa révélation. فَلَا يَرْضَى بِالْبِدَعِ وَالْمُحْدَثَاتِ وَإِنْ قَصَدَ أَصْحَابُهَا الْخَيْرِ. Même si ceux qui le font ont eu une bonne intention. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les innovations et les choses inventées dans la religion. Les différentes adorations que les gens inventent d'eux-mêmes, Allah subhanahu wa ta'ala ne les agrée pas, même si ceux qui font ces adorations-là ou ces innovations-là le font avec une bonne intention. Il dit وَقَالُوا هَذِهِ زِيَادَةُ خَيْرٍ. Eux, ils prétendent que ça c'est un surplus de bien. Hein? Ils disent oui, le mal, on fait juste faire plus de bien. Hein? Ils disent وَنَحْنُ إِنَّمَا ابْتَغَيْنَا رِضَى اللَّهِ. Ils disent on a juste voulu chercher l'agrément d'Allah. Le cheikh il dit ça, on ne peut pas l'accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiyallahu anha, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle ne sera pas acceptée, elle sera rejetée. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. Il a dit et prenez garde aux choses inventées dans la religion, hein, parce que toute chose inventée est une innovation. Toute chose inventée dans la religion est une innovation. Et dans une autre narration il dit et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Donc le cheikh il dit ensuite فالنصارى ابتدعوا الرهبانية ومع هذا ما استطاعوا أن يواصلوا عملهم لأنهم حملوا أنفسهم وغالوا في العبادة فعجزوا وقصروا. Donc il dit les chrétiens ils ont innové le monachisme et malgré ça ils n'ont pas été capables de continuer là-dedans à faire ce travail ou cette adoration-là. Parce qu'ils se sont poussés eux-mêmes et ils se sont chargés eux-mêmes de quelque chose qui était trop lourd pour eux. Et ils ont donc exagéré dans l'adoration. Et ensuite, ils sont tombés dans, disons, l'incapacité et le manquement par la suite. Et c'est pour ça que tu vois que, yani, dans l'histoire de l'Europe, par exemple, quand tu vois que les chrétiens, quand ils sont tombés dans l'exagération religieuse et dans l'extrémisme religieux, surtout au Moyen-Âge, eh bien, tu vois que par la suite, après, ils ont explosé. Yani, ils n'étaient plus capables de supporter ça. Hein, parce qu'ils ont trop exagéré dans la religion, trop exagéré dans, yani, le fanatisme et l'extrémisme religieux, jusqu'au point où par la suite, ils ont explosé, ils ont rejeté tout de la religion. Ce qui est vrai dedans et ce qui est faux. Hein, ils n'ont pas trié, ils n'ont pas dit on va juste garder le vrai puis on va jeter le faux, non. Ils ont tout rejeté au complet, le vrai et le faux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, ils parlent de laïcité, ils parlent de communisme, ils parlent de d'athéisme, de démocratie. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté tout de la religion. Même qu'est-ce qui était vrai, ils l'ont rejeté. Et ils n'ont pas seulement rejeté ce qu'ils avaient comme mensonge et fausseté et innovation. Et naam, Allah al-Musta'an. Donc avant, tu vois, par exemple, comme tu vois que les prêtres, ils ne se mariaient pas. Les sœurs, les religieuses, elles ne se mariaient pas. Et donc, ils vivaient des vies contre nature. Hein, et ils tombaient souvent dans toutes sortes de formes de perversité inimaginables. Même maintenant, on le voit, ils le disent tout le temps, qu'ils violent des petits-enfants. Pourquoi ils violent des petits-enfants? Parce qu'ils savent que les petits-enfants ne vont pas les dénoncer. S'ils vont avec des adultes, ils peuvent se faire dénoncer facilement. Donc ils vont vers des petits-enfants innocents, puis ils les agressent sexuellement. Allah al-Musta'an. Tout ça parce qu'ils ont rejeté la nature et l'ordre d'Allah de se marier et d'avoir des enfants et de suivre l'exemple des prophètes. Naam. Le monachisme lui-même, l'institution elle-même du monachisme est une innovation. Non, j'ai dit le monachisme qu'ils ont innové. Comme Allah dit dans le Coran, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Hein? Le monachisme, ابْتَدَعُوهَا, c'est-à-dire ils l'ont innové d'eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Puis dedans, ouais, puis en eux-mêmes, et puis à l'intérieur du monachisme, il y a plein d'autres bid'ah, donc. Hein, tu comprends? Allah nous ta'ala. Après il dit فالنصارى ابتدعوا الرهبانيه, donc on a dit ça déjà. Après il dit فالله جل وعلا شرع لهم الاعتدال والتوسط ولكنهم ارادوا الزياده والغلو فكانت نتيجه عملهم عكس ما ارادوا. Donc il dit les chrétiens, Allah leur avait ordonné et légiféré la modération et le juste milieu dans la religion. Mais eux, ils ont voulu rajouter à ça et faire plus. Hein? Et ils ont voulu l'extrémisme et l'exagération dans la religion. Et le résultat de ça, ça a été que, ils ont eu le contraire de ce qu'ils voulaient. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, وَهَذَا تَحْذِيرٌ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ من الرهبانية والغلو في ومجاوزة الحد ولكن وللأسف فإنه وجد في هذه الأمة من شابه النصارى في مغالاتهم في العبادة وإحداث عبادات لأجل التقرب إلى الله وهي في حقيقة الأمر تعبده تبعده عن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود عليه فأبعد من حيث أراد القرب وضل الطريق من حيث أراد النجاة. Donc le cheikh il dit, eux ils ont inventé des adorations et des innovations, et il dit que malheureusement, dans notre umma, dans la umma de l'islam, il y en a des musulmans qui ont imité les chrétiens dans leur extrémisme, dans l'adoration, et qui ont inventé toutes sortes de formes d'adoration dans le but de se rapprocher à Allah, alors qu'en réalité, elles les éloignent d'Allah. Elles les éloignent d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. C'est-à-dire, elle lui sera renvoyée sur lui. Hein? Allah ne va même pas l'accepter. Donc, il pensait se rapprocher. Et à la place de ça, il s'est éloigné. Et il s'est égaré alors qu'il s'imaginait avoir le salut ou obtenir le salut. Donc, ça c'est la première partie. Donc, maintenant, on va lire la suite des paroles d'Ibn Taymiyyah, la partie 61. Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, Rahimahullah, وقال الله سبحانه وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فكان الضالون والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موضع حتى وقعت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Ibn Taymiyyah dans ce passage? Il mentionne le verset 21 dans Sourate Al-Kahf. Et le verset 21 dans Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala, dedans, il mentionne l'histoire des jeunes qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, qui se sont enfuis dans une grotte pour préserver leur religion et leur foi et leur tawhid, parce qu'ils vivaient parmi des gens qui étaient des mushrikins. Et il mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala les a fait endormir, les a endormis, puis ils sont restés comme ça plusieurs années. Puis, après, ils se sont réveillés. Allah subhanahu wa ta'ala les a réveillés. Puis, quand les gens de la ville les ont découverts, ils ont voulu exagérer à leur sujet et faire même deux dessins et commencer à construire des tombes sur leur... construire des édifices sur leurs tombeaux et des lieux de culte sur leurs tombes. Et c'est ça que le Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite ici dans le verset. Il dit, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Parce qu'ils se sont disputés à leur sujet. Les gens de la ville se sont disputés à leur sujet. Et ceux qui ont eu le dessus, et qui ont emporté la dispute, ceux qui ont eu le dessus dans la discussion, ils dirent, élevons sur eux un sanctuaire. Faisons sur eux un lieu d'adoration. Donc ça, c'est pour dire que ils ont fait ça, ils ont voulu faire ça. Puis Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, donc ça c'est que les égarés et ceux sur qui Allah était en colère, ceux sur qui Allah a mis sa colère, les juifs et les chrétiens, ils construisaient sur les tombes des prophètes et des hommes pieux des lieux d'adoration. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a interdit à sa nation, à sa umma, de faire ce genre de choses. Il y en a dans plusieurs endroits dans la révélation, dans plusieurs hadiths, c'est interdit de le faire. Jusqu'à ce que, même avant de quitter ce monde, c'est-à-dire juste avant sa mort, subhanallah, il a interdit aux musulmans de le faire, mais malgré tout, plusieurs d'entre les gens de cette umma ont été éprouvés par ce genre de contradictions et de péchés, et d'égarements et de shirk et de bid'a. Donc le cheikh, il dit dans le cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit, ذكر الله يعني ذكر الله عن الأمم السابقة أنهم كانوا يبنون المساجد على قبور أنبيائهم وصالحيهم تعظيما لهم، كما جاء في قصة أصحاب الكهف، حيث إنه لما عثر عليهم أهل البلد وهم أموات في كهفهم تشاوروا ماذا يفعلون بجثثهم، فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، وقال آخرون يعني وهم الذين غلبوا على أمرهم أي أن الأقوياء منهم فرضوا سلطتهم على غيرهم فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا أي نبني عليهم مكانا نصلي فيه تكبرا بهم، يعني فدل على أن البناء على القبور كان في الأمم السابقة. Donc le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des nations qui nous ont précédés dans le Coran. Et il dit qu'ils construisaient des lieux de culte et des lieux d'adoration sur les tombeaux de leurs prophètes et de leurs hommes pieux pour les vénérer, pour leur montrer du respect. Comme c'est venu dans l'histoire des jeunes de la caverne, Ashab al-Kahf. Yani, il a mentionné que lorsque les gens de la ville les ont découverts et les ont trouvés morts dans leur grotte ou dans leur caverne, ils se sont mis à discuter et à yani, se consulter les uns les autres pour savoir ce qu'ils allaient faire avec leur corps, avec leur cadavre. Certains d'entre eux ont dit « Construisez sur eux un édifice ou un bâtiment. Hein, leur Seigneur est plus savant à leur sujet. » Tandis que les autres, ceux qui ont eu le dessus sur eux dans la discussion, c'est-à-dire ceux qui étaient forts parmi eux, qui avaient plus de force, plus d'autorité, ils ont imposé leur autorité sur les autres. Et ils ont dit, nous allons faire sur leur tombe, ou bien ils vont sur leur tombe, un lieu de culte ou un sanctuaire. C'est-à-dire, on va construire sur eux, construisons sur leur tombe, un endroit dans lequel on va pouvoir prier. Il y en a dans le but de les vénérer, hein, et de leur montrer du respect. Et donc ça c'est la preuve que le fait de construire des lieux de culte sur les tombes, c'est quelque chose qui existait dans les peuples précédents. Et le Cheikh il dit ensuite, « Thumma, inna al-Yahuda wa al-Nasara saru ala hadha al-manhaj al-shirki fi ittikhadh al-qubur musallayat li-ajl al-tabarruk. Thumma innahum zadu ala thalika bi-ittikhadh suwar al-salihin wal-anbiya'a ala quburihim wa adrihatihim. » Donc le Cheikh il dit, puis ensuite les Juifs et les chrétiens ont commencé eux aussi à suivre cette méthodologie païenne, yani cette méthodologie de shirk, dans le fait de prendre les lieux de yani les tombeaux comme lieux de culte, dans le but de chercher la bénédiction. Et donc ils ont augmenté à ça le fait également de mettre des statues et des images des hommes pieux et des prophètes. Il y en a par-dessus leur tombeau en plus, et par-dessus leur sanctuaire et l'endroit où ils étaient enterrés. Puis ensuite, qu'est-ce que le Cheikh il dit? Il dit ثُمَّ ذَكَرَتْ وَقَدْ ذَكَرَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةَ للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Donc ça c'est le hadith de Umm Salama qui dit que Umm Salama, lorsqu'elle était partie en Éthiopie pour la Hijra, quand elle a fait la première Hijra en Abyssinie ou en, en Éthiopie, comme on l'appelle Éthiopie aujourd'hui. Elle a vu des endroits comme des églises, et à l'intérieur, elle a dit, j'ai vu ces statues et ces images dans les églises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux-là, lorsque un homme pieux meurt parmi eux, ou bien un prophète, un homme pieux ou un serviteur pieux, lorsqu'il meurt parmi eux, ils construisent sur leur tombe un lieu de culte, hein, un lieu d'adoration, une église ou une mosquée. Et ils font à l'intérieur ce genre d'image, ce genre de représentation. Ceux-là sont les pires créatures pour Allah. Ceux-là sont les pires créatures pour Allah. Et le cheikh il dit, وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ وَهُوَ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ فَقَالَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ يعني لَدُفِنَ فِي الْبَقِيعِ مَعَ أَصْحَابِهِ غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته صلى الله عليه وسلم خوفا من الغلو فيه كغلو النصارى في أنبيائهم. Donc le cheikh dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit à sa umma de construire des mosquées ou des lieux de culte sur les tombeaux, et alors qu'il était dans l'agonie de la mort, juste avant la mort, il a dit que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de culte. Alors, donc, ne prenez pas les tombeaux pour lieu de culte et pour lieu d'adoration, car je vous interdis de faire cela. Et Aïcha radiallahu anha a dit, s'il ne l'avait pas dit, c'est-à-dire s'il n'avait pas dit cela, les gens auraient mis son tombeau, yani, aller en dehors, c'est-à-dire son tombeau aurait été ouvert, c'est dans le sens qu'il aurait été mis dans un endroit où tout le monde peut accéder, hein? Mais il dit le cheikh, c'est-à-dire il aurait été enterré dans Al-Baqir avec les autres sahaba, mais à cause du fait qu'ils ont eu peur que les gens prennent son tombeau comme une mosquée ou comme un lieu d'adoration, il a été enterré à l'intérieur de sa maison, par crainte de l'exagération à son sujet, comme l'exagération des chrétiens envers leurs prophètes. وَإِنَّمَا ذَكَرَ حَالُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ فِي ذَلِكَ لِكَيْ تَحْذَرَ الْأُمَّةِ من التشبه بفعل اليهود والنصارى وقد وجد في الأمة من يبنون المساجد على القبور حتى صار المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له عندهم فلا يتوجهون إليه ويفضلون غيره من المساجد التي فيها أضرحة ويمارسون فيها الشرك ويخشعون فيها ويبكون في حين لا يفعلون ذلك في المساجد المبنية على السنة وهذا من تمام الابتلاء عفانا الله ونجانا من الانحراف عن صراطه المستقيم. Donc le cheikh il explique la réalité de qu'est-ce qui se passe et que c'est vraiment grave, yani, subhanallah. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement mentionné l'état des juifs et des chrétiens, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a mentionné leur état pour que la umma puisse faire attention et soit prévenu de ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens dans leurs actions, dans ce qu'ils ont fait, par rapport au fait de construire des mosquées sur les tombeaux. Mais malheureusement, on a trouvé dans cette umma des gens, hein, des musulmans, qui ont construit sur les tombeaux des mosquées et des lieux d'adoration. Et le cheikh il dit, c'est tellement arrivé à un point que c'est tellement grave que les mosquées dans lesquelles il n'y a pas de tombeau, c'est comme si certaines personnes ils donnent aucune importance. Hein? C'est comme ils disent, ah, cette mosquée là non, c'est pas bon parce que il n'y a pas de tombe dedans. Enfin, nous on veut aller dans la mosquée où il y a un saint, un grand saint, un prophète, un grand saint qui est enterré, pour aller chercher la bénédiction, pour aller faire des doigts. Et les autres mosquées où il n'y a pas de tombe, ah non, ça c'est pas, on ne veut pas y aller. Et le cheikh il dit même que Ils ne donnent aucune importance à des mosquées s'il n'y a pas de tombe dedans, et ils préfèrent les autres mosquées dans lesquelles il y a des tombeaux pour aller faire du shirk dedans. Et tu trouves que leurs prières, lorsqu'ils font des prières et des du'as dans les mosquées où il y a des tombes, ils prient avec plus de concentration, plus d'humilité, et ils pleurent lorsqu'ils font leur du'a dans ces mosquées-là, tandis que les mosquées qui sont bâties selon la sunna, dans lesquelles il n'y a pas de tombe, yani, ils n'ont pas cette concentration-là et cette humilité-là, et ils n'ont pas, ce sentiment-là de pleurer, de vouloir pleurer lorsqu'ils sont dans les mosquées, yani, qui sont basées selon la sunna et selon l'islam. Et le cheikh, il dit que ça fait partie des épreuves, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'il nous sauve de la déviation du droit chemin. Hein? Le cheikh, il dit, قوله ثم إن هذا قد ابتلي به كثير من هذه الأمة أي هذا واقع فإنك لو ذهبت إلى أي بلد في غير المملكة حماه الله وحفظها فإنك سوف تجد غالب مساجدهم تجد في غالب مساجدهم قبورا وأضرحة أو تجد غالب مساجدهم قبورا وأضرحة وقد دفن فيها معظم عندهم أو رئيس أو عالم أو صالح وهذا كله تقليد لليهود والنصارى مع أنه منهي عن الصلاة في هذه المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى القبور وقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد أي مصليات فإن المراد بالمسجد ما يصلى فيه ولو لم يبنى فلا يصلى عند القبر ومن صلى عند القبر فقد اتخذه مسجدا. نعم. Donc le cheikh il dit que ensuite Ibn Taymiyyah il a dit, puis ensuite certains de cette umma ont été éprouvés, hein, beaucoup d'entre les musulmans de cette umma ont été éprouvés par ce genre de choses, c'est-à-dire yani le fait qu'on a bâti des mosquées sur les tombes ou mettre des tombes dans les mosquées, hein? Ça aussi c'est un autre cas. Et le cheikh il dit, ça c'est une chose qui est réalité, c'est la réalité de qu'est-ce qui se passe malheureusement, parce qu'il dit, si tu vas dans n'importe quel autre pays que l'Arabie Saoudite, hein, que Allah la préserve, parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite dedans il y a eu la da'wa de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et toutes les mosquées qui étaient construites sur des tombes ont été rasées. Et tous les nams, toutes les mausolées qui ont été construits par-dessus les tombes ont été rasés et nivelés au niveau du sol selon l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on espère que tous les autres pays musulmans puissent eux aussi être bénis par yani le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir justement une da'wa semblable à celle du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a purifié les terres saintes de toute forme de shirk apparente dans ces pays, dans ces terres saintes-là, hein, et qui a éliminé les innovations et les bidats. Donc le cheikh il dit, à part l'Arabie Saoudite, tu trouves que la plupart des autres pays musulmans, yani, leurs mosquées sont des tombeaux et sont des tombes. Et on voit qu'à l'intérieur de ces tombes, il y a un homme qu'il vénère, qui a été enterré, ou bien un dirigeant, ou un président, ou un savant, ou un homme pieux. Quand il meurt, ils le mettent là-dedans. Il y a des pays comme ça, où quand le roi il meurt, ils lui font sur sa tombe, ils construisent une mosquée, ou une mausolée, ou un sanctuaire, ou yani, un oratoire. Ou yani, peu importe comment ils l'appellent, un dôme, ou peu importe. Yani, tout ça, c'est des exemples de bid'a, et ça mène au shirk, et c'est des choses graves. Donc le cheikh il dit, tout ça, ils l'ont fait par imitation des juifs et des chrétiens, alors que yani, on sait que ça, c'est quelque chose qui a été interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier dans ces mosquées-là, c'est-à-dire les mosquées où il y a des tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La tusallu ila al-qubur » il a dit, ne priez pas vers les tombes, en direction des tombes. Et il a dit dans un autre hadith, la tattakhidhul qubur masajid, c'est-à-dire ne prenez pas les tombeaux comme lieu de culte, comme mosquée. Hein? Et dans un autre hadith que le cheikh il mentionne pas ici, il a dit la taj'alu buyutakum maqabir. Hein? C'est-à-dire ne faites pas de vos demeures des tombes, c'est-à-dire en ne priant pas dedans. Hein? En ne priant pas dedans, c'est-à-dire faites vos prières surérogatoires dans vos maisons. Hein? Vous priez les prières obligatoires à la mosquée, mais les prières surérogatoires, vous les faites à la maison. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Pourquoi? En voulant dire que dans les tombes, on ne prie pas, on n'a pas le droit de prier. Hein? Ce n'est pas un endroit pour faire la salat. Et donc, le cheikh, il dit, « Al-muradu bil-masjid man yusalla fihi. » Qu'est-ce qu'on veut dire par la mosquée, le terme « masjid » dans ces hadiths-là? On veut dire l'endroit dans lequel on prie. Hein? L'endroit dans lequel on prie. Même si ce n'est pas un endroit qui est construit. Hein? Même si ce n'est pas un bâtiment. L'endroit où il y a des tombes, on n'a pas le droit de prier. Hein? Et celui qui prie là où il y a une tombe, il l'a pris comme un lieu de culte, comme une mosquée. C'est comme s'il l'avait pris comme une mosquée. Après, le cheikh il dit, ثم إن الضالون ثم إن الضالين عفوا نعم ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة والصور الجميلة فلا يهتمون في أمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات ثم إنك تجدها أن هذه الأمة قد ابتليت من اتخاذ السماع والمطرب بسماع القصائد بالصور والأصوات الجميلة لإصلاح القلوب والأحوال ما فيه مضاهة لبعض حال الضالين. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il décrit une réalité de la situation des juifs et des chrétiens, en particulier des chrétiens qu'il appelle comme étant les dhallin. Il dit, et puis ensuite parmi les égarés de façon générale, il dit leur religion c'est uniquement des chansons, et le fait de chanter, hein, des chants, des cantiques, hein. Et il dit, et également des belles images, des statues et des images qu'ils prennent, des représentations. Il n'y a rien d'autre qui les intéresse dans leur religion. Ils ne donnent aucune importance à autre chose dans leur religion. Ils n'ont pas d'intérêt plus grand que l'intérêt de chanter. Et ça, tu le remarques chez les chrétiens, subhanallah. Il y en a chez les chrétiens, surtout dans les églises, dans certaines églises, ils ne font que chanter du début jusqu'à la fin. Il y en a même qui restent à chanter toute la nuit même. Subhanallah, surtout chez les différentes sectes protestantes, il y a ça. Et même dans les églises catholiques, tu trouves les orgues. Dans chaque église catholique, il y a un orgue, et il y a des chants, et il y a des chœurs, hein, et des enfants de chœur qui chantent. Sans parler des moines qui chantent dans les chants grégoriens, comme ils les appellent. Ils chantent dans des monastères, et là, tu vois, avec l'écho, ils chantent en latin ou ils chantent en d'autres langues. Je me rappelle même à l'école, ils nous apprenaient, Allah musta'an, avant l'islam, ils nous apprenaient les chansons même en latin, yani, subhanallah. Et malheureusement, toutes les chansons que j'ai apprises, je m'en souviens encore. Jusqu'à aujourd'hui, yani, subhanallah. J'arrive pas à oublier. Yani, pourquoi ils utilisent beaucoup les chants? C'est parce que les chants, en fait, ça stimule les sentiments et les émotions. Ok? Et leur religion est basée sur l'émotion et les sentiments. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique dans leur religion. Au contraire, leur religion est basée sur la contradiction de la logique et sur l'absurdité même et les choses contradictoires. Donc, pour couvrir ça, ils utilisent les émotions. Et je me rappelle même une fois, j'étais en train de débattre, d'argumenter avec des chrétiens pour leur expliquer la fausseté de leur religion. Mais quand ils ont vu que j'étais en train de les bloquer sur tous les plans et que j'étais en train de leur montrer la fausseté de leur croyance en la Trinité et la croyance en la Bible et tout, et bien là, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé tout de suite à chanter. Ils ont commencé à chanter, hein. Même une fois, il y en a un, je me rappelle, subhanallah, on avait fait une table de présentation de l'islam au collège Ansik à Montréal, subhanallah. Il y avait un jeune haïtien qui commençait à parler comme s'il a essayé d'agir comme s'il était comme possédé, en fait, hein. Mais c'est parce que eux, en fait, quand ils commencent à dire des mots incompréhensibles, c'est même pas une langue qui existe, hein, c'est juste, ils disent n'importe quoi. Ils essaient de faire croire que ils sont pris par l'Esprit Saint, tu vois, que l'Esprit Saint rentre en eux, hein, puis que là, ils sont comme inspirés à ce moment-là. Là, ils lèvent leurs mains dans les airs, ils commencent à bouger leurs mains, puis là, ils commencent à tourner leur tête comme des fous, puis ils disent des paroles, il y en a dans une langue que personne ne peut comprendre. En réalité, il y en a, c'est le diable qui les possède, c'est pas l'Esprit Saint, il y en a. Et les anges ne possèdent pas les gens. Il y en a, subhanallah, c'est les diables qui possèdent les gens. Et pas juste ça non plus, c'est que c'est l'anglais qu'ils parlent, hein. C'est la langue des diables, hein, c'est la langue des shayatines et des djinns, hein. Et donc, c'est pour leur faire croire que qu'est-ce qu'ils font, c'est quelque chose. Mais il y en a même qui pensent que ça, c'est un signe de sainteté, hein, et quand ils commencent à parler comme ça. Alors que c'est le shaytan, en fait, c'est le diable qui les inspire et qui les possède à ce moment-là pour les égarer et les enfoncer encore plus dans le shirk. Et l'église qui est en bas de, yani qui était en bas là, qui faisait la musique chaque samedi et dimanche, subhanallah, ils ont ramené une basse, un drum, des musiques, yani ils mettent ça, puis avec les haut-parleurs, et puis ils font comme, c'est comme une discothèque, hein. Ils chantent les mêmes chansons que Michael Jackson, puis les autres chanteurs de yani, parmi les vedettes de musique pop et les autres vedettes. La seule différence, c'est qu'ils changent un petit peu les paroles pour mettre des affaires religieuses dedans. Et ben, c'est la catastrophe des chrétiens. Il y en a même qui ont rentré la danse là-dedans aussi. La danse, en plus. Et le cheikh, il dit, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, et ensuite tu trouves dans cette umma ceux qui ont été éprouvés par le fait de prendre des chants, hein, et d'écouter des poésies chantées, hein, des qasaïd. Et on trouve ça aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils appellent les anachides, hein. Les anachides, ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent les anachides islamiques. Ils prétendent que c'est des chants islamiques et que c'est permis. Alhamdulillah, on a ramené toutes les paroles des ulama à ce sujet-là pour prouver que ce qu'ils font, premièrement, c'est haram parce que c'est du chant. Et souvent, ils ramènent de la musique dedans et du drum. Donc ça rend l'affaire encore plus haram. Sinon, même des fois, ils font les enregistrements en studio avec des agencements, avec des chorales, avec des chœurs. Et ils font des canons. Et tout ce qu'ils font, il y en a pour embellir la voix et faire des musiques de fond avec la voix. Et après, ils disent, oui, ça c'est des anachides islamiques. Et c'est permis. Et certains savants l'ont permis. Yani, subhanallah. Ça n'a rien à voir avec ce que les savants ont permis. Et ça, on va le voir, alhamdulillah. Donc, c'est pour dire que ces gens-là, en fait, ils disent, ben, les gens, ils écoutent de la musique, comme les musiques pop, les musiques rap, et les autres sortes de musiques qui existent. Alors, pour remplacer le haram, on leur donne une alternative halal, c'est-à-dire les musiques islamiques. Et ils pensent que juste rajouter le terme islamique à la fin d'une musique, que ça rend l'affaire halal. Ajib, subhanallah. C'est comme maintenant, tu vois les filles musulmanes qui marchent en leggings avec un foulard sur la tête, avec des leggings en bas. Allez, subhanallah. Prends de la peinture, colore ton gagné, tu peintures ton corps et tu marches dehors dans la rue, tu vas dire, est-ce que je porte des vêtements, j'ai coloré ma peau. Gagné, c'est ça des vêtements. Gagné, Allah, le shaitan leur a fait croire que gagné, ça c'était des vêtements. Ils osent marcher comme ça dehors dans la rue. Et puis le pire, après, ils mettent un foulard sur leur tête avec ça. Ça c'est vraiment le diable qui les a, qui leur a embelli leurs actions. Donc pour en revenir avec les exemples de musique, ça c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne les qasa'id et tout ça, et les belles voix et les chants, ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez les soufiyines en particulier. Et c'est eux qui ont fait ça. Et ceux qui ont imité parmi les hizbiyines aujourd'hui, qui ont imité les soufis, ils ont pris ça des soufis, c'est la même chose. Ils font des chants, mais au lieu de mentionner des choses de la dunya dedans, ou des affaires de l'amour, des trucs de, comme les gens qui sont pas religieux, ou les gens qui aiment le péché, eux, ils font la musique exactement la même, sauf avec, yani, mention de Allah dedans. Et comme les ulama ont mentionné, ça c'est pire encore. Parce que les musiques dans lesquelles ils mentionnent le péché et les choses haram, ça, les gens savent que c'est haram déjà. Mais les musiques dans lesquelles ils parlent d'Allah, ils mentionnent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, et parfois même ils exagèrent sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant des paroles de shirk, hein, ça c'est des choses, il y en a encore plus graves parce que c'est des innovations religieuses. C'est-à-dire, ça fait tomber les gens dans la bid'a. Puisqu'ils font un péché, puis ils s'imaginent que c'est quelque chose que Allah aime. Hein? Tandis que les autres qui font de la musique de Yanni pour valoriser le péché et des choses haram, eux, ils savent que Allah n'aime pas ça. Ils savent que Allah déteste ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Mais les autres, Yanni, le shaitan les a trompés encore plus en leur faisant croire que en désobéissant à Allah, il pouvait se rapprocher d'Allah et plaire à Allah et obtenir son agrément. Donc ça, c'est le danger, hein, de la bid'a. C'est pour ça que les ulama disent la bid'a, elle est plus dangereuse que le péché. Naam. Et après, le cheikh, il dit donc, ils ont été éprouvés aussi par les belles images, et par les belles formes, hein, les choses comme ça. Puis après, il dit, ils prétendent qu'ils font ça pour purifier leur cœur et pour atteindre des différents degrés ou différents états dans la religion. Et en agissant comme ça, ils imitent certains d'entre les égarés, c'est-à-dire parmi les chrétiens. Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني أن معظم دين النصارى إنما هو أصوات مطربة. La plupart de qu'est-ce qui est dans la religion des chrétiens, c'est des chansons, des chants et des voix chantées. Ou kalimatun mulhana, des paroles, yani, qui sont chantées aussi. Hein, psalmodiées ou chantées ou autres. Wa yad'una biha fi salawatihim. Et ils font des invocations par ces chansons-là durant leurs prières. Hein, subhanallah. فتشبه بهم من هذه الأمة الصوفية. Donc les soufis dans cette umma ont essayé de les imiter. فصاروا يتقربون إلى الله بهذه التي يسمونها الأذكار والأحوال. Donc ils ont commencé même à essayer de se rapprocher d'Allah par ce genre de chant, hein, qu'ils appellent des azkar, hein, ils prétendent que c'est du zikr, ou ils prétendent que ce sont des états, hein, dans lesquels ils rentrent, ou yani, toutes sortes de choses comme ça qu'ils appellent, ou bien parfois les hizbiyins aujourd'hui, ils appellent des anachides. Et les anachides, comme vous savez, yani, les ikhwan, les hizbiyins, et les sururiya, et les qutbiyins, et même les djihadis, leur but c'est souvent d'attirer la masse. Donc ils mettent des choses pour attirer les gens. Et ça c'est une de leurs méthodes. Méthode diabolique, yani. Pour essayer d'attirer le monde et leur dire, ben regardez, nous on a de la belle musique aussi, hein. Vous pouvez écouter des choses sur l'islam et apprendre l'islam en vous distrayant aussi, en vous divertissant et en écoutant de la musique. Mais c'est de la musique islamique, donc c'est pas un péché. A'ouzou billah. Donc ça c'est la ruse du shaitan. Et naam. Donc le shaykh il dit, ces gens-là, donc il dit, yatamarranuna, yatarannamuna وينشدون ويتمايلون ويقولون إن هذا ذكر الله عز وجل. Donc ils disent, le cheikh il dit, donc ils chantent, ils font des chants comme ça, des anachides, et puis yani ils prétendent yani que yani ça c'est quelque chose que ils font pour se rappeler d'Allah, ou bien même parfois quand ils, pendant qu'ils chantent aussi, ils vont faire des mouvements comme ça, ils vont se pencher, ils vont bouger leur corps, hein. Exactement, comme les juifs et comme les chrétiens aussi, qui dansent même dans leur mosquée. Subhanallah, il y en a un, j'ai trouvé sur YouTube, subhanallah, ils sont réunis en train de faire leur zikr soufi, puis il y en a un, yani, subhanallah, il commence à bouger, à danser, subhanallah, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, yani, subhanallah, c'est grave, yani, comment il danse. Et eux, ils pensent qu'ils font ça pour exprimer leur joie, pour exprimer leur amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, il se désavoue d'eux quand ils font ça, et il déteste ce qu'ils font. Et yani, franchement, yani, ils ne font qu'en même temps yani, faire en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les détestent aussi, parce que ils sont en train de contredire ses ordres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. Il dit pas, si vous aimez Allah, imitez les chrétiens et faites des bid'ah. Naam. Et yani, il s'est rendu même à un point tel que certains soufis maintenant, ils font même le dhikr avec des instruments de musique. Ok, ouais, ils font le dhikr même avec des instruments de musique. Ça, tu le vois, yani, tu le vois avec yani, le violon, par exemple. Tu vois des soufis qui font le dhikr avec le violon. Naam. Et tu vois des soufis, par exemple, qui font le dhikr avec... même Allah al-Musta'an, dernièrement, ils ont montré sur YouTube un monsieur qui fait le zikr avec le violon ou avec des pianos, et aussi même avec un opéra, il lit le Coran avec un orchestre derrière lui, puis il fait comme un genre d'opéra. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point ces gens-là peuvent aller loin dans la malédiction, dans l'égarement, hein, et dans la bid'a, et dans la contradiction des enseignements de l'islam. C'est vraiment grave. Donc le cheikh, il dit, et là on va essayer d'aller plus vite pour terminer le texte. Le cheikh, ils disent que qu'est-ce qu'ils font, c'est le dhikr d'Allah. Donc il dit, فَهُمْ بِذَلِكَ حَذْوَ النَّصَارَ فِي صَلَوَاتِهِمْ وَفِي تَرَانِيمِهِمْ. Donc ils ont imité pas à pas les chrétiens là-dedans, dans leur façon de prier, et dans leur yani, pratique, et dans leur chant. ثم إنهم ينظرون إلى الصور الجميلة من النساء والمردان ويقولون هذا من التفكر في آيات الله وينسون قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Donc il dit, et en plus ces gens-là, ils regardent aux images des belles femmes et des jeunes garçons, et ils disent ça fait partie de la réflexion sur les signes d'Allah. Ils regardent les belles femmes, ils regardent les choses haram, Yani, puis ils disent, ça c'est pour réfléchir et méditer sur la, les signes de Dieu et comment Allah subhanahu wa ta'ala a bien créé les choses et comment il a bien créé le monde. Hein? Et c'est ça l'argument des chrétiens lorsqu'ils font des peintures et des statues, yani, sculptées de corps nus, hein, ou de corps de femmes ou d'hommes. Ils disent, ça c'est pour méditer sur la création d'Allah et sur la, les signes d'Allah. Yani, Allah al-Musta'an. Donc, ils oublient que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et dit aux croyants qu'ils rabaissent leur regard et qu'ils préservent leur, leur partie intime. Ceci est plus pur pour eux. Allah est certes bien informé de ce que vous faites ou de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes qu'elles rabaissent de leur regard et qu'elles préservent leur partie intime. C'est dans le verset 30 et 31 dans Sourate An-Nur. Et le cheikh il dit فكيف يكون تفكرا والله امر الرجال بغض البصر وامر النساء بالحجاب والتستر مع غض البصر عن الرجال وعدم الاختلاط بهم. Donc il dit comment le fait de regarder des images de femmes et d'hommes ou de jeunes garçons, comment ça pourrait être une réflexion sur les signes d'Allah, alors que Allah a ordonné aux hommes de baisser le regard et a ordonné aux femmes de porter le hijab et de se couvrir et de baisser le regard, hein, de ne pas regarder les hommes et de ne pas se mélanger aux hommes. Parce que les soufis et les jeunes bid'ah, comme les chrétiens, ils se mélangent, hommes et femmes ensemble. Hein? Et tu vois souvent même dans les églises, les chrétiens, Allah al-Musta'an, surtout les hommes et les femmes, surtout les femmes en particulier, ils se mélangent tout le temps. Les hommes et les femmes, ils se mélangent ensemble dans leurs églises. Ils s'assoient côte à côte et yani, ils ne font que se regarder les uns les autres. Et les femmes, elles font que, yani, lorsqu'elles vont dans leurs églises, elles prétendent aller pour adorer Dieu et pour montrer leur piété. Et en réalité, yani, subhanallah, elles s'habillent d'une manière parfois très perverse, hein, sans aucune pudeur ni modestie, hein, et elles portent du parfum et du maquillage, et elles vont également aller porter des vêtements qui dévoilent leur corps, qui montrent leur forme. Il n'y a aucune pudeur ni modestie dans leur façon de s'habiller pour aller prier, puis en plus elles s'assoient à côté des hommes, et tu vois que parmi eux, yani Allah al-Musta'an, il y en a qui vont à l'église même exprès justement pour aller rencontrer des femmes, hein? Exprès pour ça. Et tu trouves ça maintenant chez certains musulmans. Et tu vois même par exemple, surtout en particulier chez les Hizbiyin, quand ils font leur séminaire ou leur convention, hein? Comme les Ikhwan par exemple, ou bien tu vas regarder juste par exemple les conventions et les séminaires comme RIS. Hein, Reviving the Islamic Spirit. Ils font ça chaque année à Toronto. Eh bien, il y a de la mélange entre hommes et femmes. Il y a même, d'après ce que quelqu'un m'a raconté, subhanallah, il y a même des salons dans lesquels ils organisent des rencontres entre des hommes et des garçons et des filles pour, soi-disant, les aider à se marier ou des choses comme ça. Et bien entendu, la mixité et tout, il n'y a pas de problème pour eux, ça c'est halal pour eux. Allah musta'an. Après, le cheikh, il dit, waqad ibtuliya, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans le passage numéro 63, il dit, waqad ibtuliya hadhihi al-ummah min ittikhadhi as-sama' al-mutrab, al-mutrab bi sama' al-qasa'id wa islah al-qulub wa al-ahwal bihi ma fihi mudahatan li ba'd hal ad-dallin. Il dit, dans cette ummah, parmi les musulmans, il y en a qui ont été éprouvés justement par le fait de prendre la musique et les chants et le fait de chanter ces poèmes ou ces chansons pour essayer de, soi-disant, comme ils prétendent, vouloir purifier leur cœur ou purifier leur cœur et leur état en utilisant ce genre de chansons. Et il dit, ils font ça pour imiter certains d'entre les égarés, c'est-à-dire parmi les chrétiens. Il dit يعني أن هذه الأمة قد شابهت النصارى حيث اتخذت سماع الأناشيد والابتهالات الجماعية والتنغيمات والطبول وسيلة للقربة إلى الله مع أن ما يفعلون لهو ولعب وقال الله تعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا أي جعلوا اللهو واللعب دينا يتعبدون الله به. Donc le cheikh il dit qu'on voit que parmi cette umma, parmi les musulmans, il y en a qui ont imité les chrétiens du fait qu'ils ont pris l'écoute des chants, l'écoute des chants et des chansons qu'ils font, des chants en groupe et des chorales, et des psalmodies, de fait de psalmodier ou de chanter des chansons et des poèmes, et d'utiliser avec ça des tambours, ou des instruments à percussion pour faire qu'est-ce qu'ils prétendent être le dhikr ou les anachites. Et ils ont pris ça comme un moyen pour se rapprocher à Allah. Donc souvent, et le cheikh dit, alors que ce qu'ils font, c'est uniquement jeu et divertissement. Jeu et divertissement. Et Allah il dit dans le verset 51, à propos des kuffars, yani, et des juifs et des chrétiens, ils ont pris leur religion comme jeu et divertissement. C'est-à-dire ils ont fait des jeux et des divertissements une religion par laquelle ils adorent Allah. Surat al-A'raf, le verset 51. Ça, c'est grave. Et donc, si vous trouvez, par exemple, des gens qui font des discours, des conférences, puis que quand ils mettent leurs vidéos sur YouTube, tu vois, ou sur un autre site internet, à l'introduction de leur truc, ils mettent des chants, des anachides, et de la musique dedans, vous savez tout de suite qu'il y a un problème avec ces gens-là. Il y a un problème avec ces gens-là et avec ce qu'ils font. Et surtout les takfiris, les djihadis, quand ils font leur vidéo sur qu'est-ce qu'ils appellent le djihad, qui n'a rien à voir avec le djihad, et bien souvent ils mettent ces chants et ces anachides-là. Donc ça montre qu'en réalité c'est des gens qui cherchent juste le divertissement et les jeux. C'est pas des mujahidin, ces gens-là. Après le je me rappelle, yani, subhanallah, à l'époque il y avait ces takfiris ou ces djihadis, ils écoutaient des anachides. Il y en a parmi ces anachides qui disaient, il y en a un qui avait fait une chanson. Il chantait, il disait Khandaqi qabri wa qabri khandaqi. C'est-à-dire ma tranchée. La tranchée, tu sais, c'est quoi une tranchée? C'est dans la guerre. Tu creuses des tranchées pour attendre l'ennemi. Mais il dit ma tranchée, c'est ma tombe, mais ma tombe, c'est ma tranchée. Eh ben, subhanallah, c'est devenu un hit. C'est devenu une chanson qui est devenue populaire chez eux. Et Allah al-Musta'an, tu le vois maintenant sur YouTube, il fait un spectacle sur un stage, sur une scène, avec des éclairages et tout, et puis il vient avec son micro, puis il chante là sa chanson, tout le monde applaudit, comme une vedette, yani. Il commence à chanter, Khandaqi, Qabri, Qabri, Khandaqi, il est où ton Khandaqi, il est où ton Qabr, yani. T'es en train de chanter sur un stage, hein, avec l'éclairage, comme une vedette, yani. Subhanallah. Puis tu parles de Khandaq. Donc tu vois que ces gens-là, yani, c'est juste du jeu. C'est du jeu qu'ils font. Yani. Allah musta'an. Donc, après le shaykh, il dit Ey, ja'alu lahu wa la'ib dinan yata'abbadun Allah bihi. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الملاهي والمزامير والضفوف. Donc il dit déjà, est-ce que tu vois que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait de la musique? Est-ce qu'on voit dans les hadiths que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait de la musique et des chants une forme d'adoration pour se rapprocher à Allah? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les sahaba faisait de la musique, faisait des chants? Jamais de la vie, hein? On voit pas ça nulle part dans les hadiths, on voit pas ça nulle part dans le Coran. Donc d'où est-ce qu'ils ont ramené ça? Ils ont ramené ça des chrétiens, des juifs et des autres kuffars. Attends. Le cheikh il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce genre de musique, ce genre de distraction, et ce genre de flûte. Il y en a toutes les flûtes, les instruments à percussion, les instruments à vent, il les a toutes interdites. Hein? Et il dit « إِلَّا مَا رَخَّصَ بِهِ الشَّارِعُ مِنْ ضَرْبِ الدُّفْ فِي مُنَاسَبَةِ الزَّوَاجِ لِلنِّسَاءِ خَاصَّةً حَيْثُ قَالْ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفْ فَالْأَصْلُ التَّحْرِيمِ في آلات الله جميعا جميعها سواء المعازف أو المزامير لأنها تصد عن ذكر الله وأصحاب الله يقولون إنها تحيي القلب فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها تزرع النفاق في القلب وتهيج الشهوة والشر وهم يقولون إنها تزرع محبة الله والإيمان وتقربنا من الله عز وجل فبذلك شابه النصارى ففارقوا أصحاب الصراط السوي واتبعوا طريق أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى وقد شابههم من يتخذ الأناشيد أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله وشعارا لحزبيات. Donc le cheikh il a réfuté ça, il a dit excepté il y a une chose que la charia nous a permise. Une seule chose de ces choses-là, c'est quoi? C'est que les femmes, dans les mariages ou dans l'Eid, les femmes ou les filles, elles frappent le douf. Hein? Un tambour, une peau tendue sur un cerceau, hein? Que les femmes frappent lors des célébrations de mariage et lors des mariages et lors du Eid. Et du Eid et des mariages, c'est tout, rien d'autre. Et en plus, hein, comme c'est mentionné dans les hadiths, les jeunes filles, elles frappaient le douf et elles chantaient des petites chansons arabes. C'était pas des chanteuses professionnelles qui font une carrière de la chanson et qui vont dans chaque mariage avec un groupe de musique pour aller faire des chants ou aller chanter comme s'ils avaient un groupe de chants professionnels qui organisent des mariages, comme c'est rendu le cas maintenant, ou bien des cassettes qui ont été enregistrées dans des studios par des professionnels qui vendent même maintenant des cassettes de Anachi, des cassettes de chansons ou des CD et qui font de ça un métier, hein, ou bien que ce soit comme les groupes comme le Silence des Mosquées, un groupe qui s'appelle le Silence des Mosquées, Allahul Musta'an. Ils ont détruit le silence des mosquées avec leur bid'a. Et donc, des gens comme Tariq Ramadan et le reste des ikhwan, ils glorifient ces choses-là et ils encouragent ça. Et tu le vois même sur un stage avec des musiciens, ils ont leurs instruments puis ils chantent. Hein. Et les soufis, même, ils font même des concerts de chant. Et j'ai vu une fois dans un reportage. Subhanallah, au Maroc, je pense que c'est à la ville de Fas. Chaque année, ils font un genre de comment ça s'appelle? Un genre de concert de tous les chants religieux du monde. Ils amènent des moines bouddhistes, des moines tibétains, des chanteurs de gospel des États-Unis, des chanteurs juifs, des chanteurs chrétiens, des chanteurs de toutes les différentes religion de kofre et de shirk et d'égarement, et avec des soufis, hein, tu vois même des fois un chanteur soufi qui fait des anachides ou qui fait des dhikr soufis qui va chanter à l'église avec les catholiques derrière la chorale avec l'orchestre et l'orgue. Tout ça c'est pour montrer non seulement que c'est des bid'a qu'ils font en utilisant la musique et les chants qu'ils émettent les juifs et les chrétiens, mais qu'en plus ils utilisent ça pour appeler à unifier les religions. Hein? Sans oublier même ce qu'on appelle les sorciers, les charlatans et les satanistes qui sont au Maroc et ailleurs, ce qu'on appelle les gnawa. Maintenant c'est devenu une musique, ils essaient de faire croire aux gens que c'est un groupe de musique, la musique gnawa, alors qu'en réalité c'est un groupe de c'est un groupe de sorcellerie qui adore les djinns, qui adore les shayatines, qui font de la sorcellerie et de la magie, hein. Et maintenant c'est devenu comme des chanteurs et de la musique. Ils en font un truc culturel. Ils essaient d'en faire un truc culturel, puis ils participent à des festivals dans le monde et puis ils se promènent. La même chose avec les derviches tournantes, qui vont de ville en ville en Europe pour faire des spectacles. Ils tournent en rond et puis ils sautent sur un pied, puis ils pensent que ça c'est le zikr. Allah al-musta'an. Donc tout ça c'est de l'égarement. La seule chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis dans ces choses-là, c'est que lorsqu'il y a un mariage ou il y a l'Aïd, les petites filles, elles se réunissent avec un douf, elles frappent pour montrer qu'il y a un mariage et pour montrer la réjouissance dans ces jours-là. Et ils font des petites chansons arabes innocentes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme c'est mentionné dans les hadiths que les jeunes filles elles chantaient Ataynakum, Ataynakum, Fahayyuna, Nuhayyikum. Il y en a des paroles comme ça, c'est des paroles, des petites chansons arabes innocentes, il n'y a pas de shirk dedans, il n'y a pas de bid'a dedans, il n'y a pas de péché dedans, c'est des petites comptines, des petites chansons comme ça, et les gens se réjouissent et ils frappent le douf, et c'est entre les femmes seulement. Une fois je suis rentré chez il y a un frère qui se mariait, il y avait un frère converti qui se mariait, il y avait plein de gens invités. Arrivé là-bas, il y a deux Arabes qui étaient venus là-bas parmi les invités. Ils sortent un genre de c'est pas un douf, c'est un tambour, avec un truc là pour frapper dessus. Puis là, il commence à frapper son tambour puis à chanter. J'ai dit, premièrement, ça c'est permis seulement, premièrement c'est pas ça qui est permis, c'est pas le tambour, c'est le douf, c'est pas du tout la même chose, et c'est permis uniquement pour les femmes entre elles, et vous n'êtes pas des femmes, donc premièrement vous êtes des hommes, et vous faites ça alors que c'est pas permis pour les hommes, c'est juste pour les femmes entre elles, et deuxièmement c'est pas un douf, ça c'est un tambour. Et là, ils sont là. Et j'ai dit ça. Et allez, ils ont voulu le faire quand même. Alors, je suis parti. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites? C'est haram, c'est contraire à l'islam. Ils n'ont pas voulu accepter. Alors, je suis parti. C'est ça que l'islam nous enseigne. Que si tu es invité dans un mariage, dans une fête de mariage, et qu'il y a des choses contraires à l'islam dedans, et des péchés, et que tu interdis, ou que tu fais l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal et qu'on ne t'écoute pas ou on ne veut pas cesser, dans ce cas-là, tu t'en vas, tu ne restes pas. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qui est permis. Eh bien, les gens de Bid'a, les soufiyines comme Qardawi et d'autres, ils utilisent cet exemple-là pour dire, ben, regardez, si ça c'est permis, ben, ça veut dire que dans ce cas-là, la musique est permise. Puis ils veulent l'utiliser. Alors que c'est une exception, qui prouve que le reste est haram. Et Qardawi et Tariq Ramadan, subhanallah, ils mentionnent le hadith qui interdit les instruments de musique. Et dans le hadith, ils mentionnent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est dans le Bukhari, il dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont rendre halal la musique, le zina, l'alcool et des choses comme ça. Lui, il dit, ça c'est la preuve que si c'est interdit la musique, c'est interdit lorsque c'est en présence de ces autres choses-là. Mais tout seul, la musique tout seul, c'est pas interdit. Il n'y a rien dans le hadith qui mentionne que pour que quelque chose soit interdit dans cette liste, il faut qu'elle soit faite tout ensemble. Que si j'en ai juste une de ces choses-là qui est faite toute seule, qu'elle n'est pas interdite. Si tu fais le zina, même si tu ne le fais pas avec de la musique, c'est haram quand même. Donc la musique, pourquoi la musique serait interdite juste quand c'est faite avec de l'alcool ou avec du zina? Non. La musique, c'est interdit. Les instruments de musique, c'est interdit de façon absolue. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit ça. Il a ordonné, comme on a dit, aux femmes, lorsqu'il y a une fête, un mariage ou une Eid, de frapper le douf et c'est tout. À la base, les instruments de musique, toutes les instruments de musique, sans exception, sont interdites. Que ce soit des instruments à vent, des instruments à percussion, des flûtes, des guitares, des pianos, n'importe quel autre, tout ça, c'est quelque chose qui est haram parce qu'elle obstrue et elle empêche les gens de se rappeler d'Allah. Et tu peux faire rentrer là-dedans, bien entendu, le hip-hop, le rap, le reggae, et toutes les différentes nouvelles sortes de musique qui existent, que ce soit les autres formes de musique qui existent actuellement, le pop, le techno, le disco, je ne sais pas quelle autre musique qui existe, toutes ces formes de musique-là sont toutes interdites, sans exception. La musique classique aussi, il y en a qui disent « Oh, la musique classique, ça élève l'âme, ça élève l'esprit. » C'est pas une musique qui touche aux passions et aux désirs. Même la musique classique, c'est haram. Tous les instruments, sans exception, sont haram. Et le cheikh, il dit donc, à la base, tout ça, c'est interdit, parce qu'elles obstruent, elles empêchent le rappel d'Allah. Et les gens qui aiment ce genre de divertissement et de distraction, eux, ils disent que ça fait revivre le cœur. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que ça fait pousser l'hypocrisie, ça amène l'hypocrisie dans le cœur. Et ça excite les désirs et le mal. Et eux, ils disent que ça cultive l'amour d'Allah et la foi, et ça nous rapproche d'Allah. Donc, en disant ça, ils ont ressemblé aux chrétiens. Et ils se sont séparés des gens qui suivent le droit chemin et ils ont suivi la voie des gens de l'enfer parmi les chrétiens et les juifs. Et ils leur ont ressemblé en prenant comme un moyen de da'wah les anachides. Ils ont pris la méthode des anachides comme un moyen de da'wah et c'est devenu un symbole des hizbiyin et des groupes et des partis islamiques aujourd'hui. C'est ça que je disais tout à l'heure. Hein? Donc tous ceux qui sont apparus sur le net ou ailleurs, même avant que le net soit populaire, il y avait les cassettes et les hizbiyin ils propageaient ces cassettes de anachid là, hein? Pour inciter les gens à leur voix de hizbiyah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et j'ai fait trois cours sur les anachides. Ils sont sur le site. Donc si vous allez sur mon site Salafi de Montréal, puis vous cherchez Yanni anachide, l'épreuve de l'interdiction des anachides, il y a Yanni trois audios que j'ai fait avec la mention de toutes les fatawa et les preuves des ulama. Que les ulama ont mentionné pour montrer que les anachides sont interdites en islam. Et la réfutation des hizbiyin et des gens de bid'ah aujourd'hui qui essaient de légiférer ça et de montrer que c'est quelque chose qui est permis. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera ça au prochain cours. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين